Bonjour à tous. Aujourd'hui, potage julienne d'Arblay pour 4 personnes. 1 litre de fond blanc de volaille, 80 g de carottes, 80 g de navets, un blanc de poireau, un oignon blanc, une branche de céleri effilée, 50 g de choux frisés, une cuillère à soupe de chiffonnade d'oseille, des peluches de cerfeuil, 50 g de beurre et du sel. Salez, taillez en julienne carottes, navets et poireaux. Émincez finement oignon, céleri. Étuvez au beurre le tout. Assaisonnez légèrement. Mouillez avec le fond blanc, puis ajoutez le chou émincé et blanchi. Cuire doucement 20 minutes. Au moment de servir, ajoutez la chiffonnade d'oseille, les peluches de cerfeuil. Mettez au point. Servir bien chaud. On peut ajouter des petits pois frais selon la saison. Un petit vin conseillé, un gamay blanc du Bugey à boire avec modération.